Chez Dolbeau Auto, l'automne est arrivé et nous payons les trois premiers mois de location sur le GMC Sierra 2017 ou encore venez voir l'Equinox 2017 à 22 995 $. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau Mistassini, au téléphone 418-276-0580. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto désirent vous rappeler qu'acheter localement préserve notre économie. On va parler des Saguenay-Lac-Chicoutimi avec quelques semaines de relâche. La semaine passée, c'était en vacances. L'autre semaine, c'était le congé de l'Action de grâce. On retrouve notre collaborateur Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut. Sébastien, en fin de semaine, c'était une semaine vraiment pas facile pour les Saguenayens. Ils affrontaient quand même deux équipes qui connaissent un excellent début de saison, dont une puissance, les Cataractes de Shawinigan. Et c'était quand même une victoire et une défaite. Donc, on peut dire quand même que c'est quand même respectable comme fiche. Effectivement, puis je pense que vendredi, dans le match contre les Cats, les Sags auraient mérité un bien meilleur sort. On domine au chapitre des lancers, on n'a pas été capable de marquer des buts. Gardien de but, de l'autre côté, Denis Kislev, je pense, en tout cas, je me trompe peut-être de nom. Il a été excellent, le gardien de but du côté des Cataractes. C'était un point d'interrogation en début de saison, mais contre nous, vendredi, a été particulièrement fumant. A volé le nouveau vu d'Anil Sokolka, entre autres, sur un superbe arrêt. Il y a eu plusieurs autres bels arrêts plus tard dans le match. Les Sags n'ont pas été capables de marquer de but, ça a fait mal. C'est une défaite contre les Cats. La rivalité, là, Samuel Girard dans les estrades, la gang de Robert Val qui est descendu, oui. Claude Bouchard derrière le banc, Yannick Jean de l'autre. Ça commence à avoir de l'allure, là, les confrontations entre les Cats et les Sags. Puis ça a été un excellent match de hockey, particulièrement vendredi soir. Belle exécution de part et d'autre. Juste pas été capable de marquer des buts du côté des Sags, ce qui explique à la défaite vendredi. Puis samedi, ben, ça a été le contraire. Ça a été moins défensif, je dirais, comme rencontre. Et surtout, les Sags ont réussi à marquer 4 buts. C'était pas arrivé depuis le début de la saison. Ça fait du bien au moral, je pense. Ça va relâcher un peu de pression sur certains joueurs. Le bâton commence à être pesant pour les Nicolas Roy, Fred Allard, puis ils ont été très bons dans le match de samedi. OK. Donc, c'est quand même encourageant. Il y avait 2600 personnes vendredi soir. Est-ce qu'on peut dire que c'est la visite de Samuel Girard, un gars de la région? J'écoutais des gars de Radio X la semaine passée, puis ils disaient il faut qu'il y ait au moins 4000 personnes pour montrer qu'on est... qu'on est encore une ville de hockey, Samuel Girard et ainsi de suite. Est-ce que 2600, c'est quand même respectable? C'est sûr que je pense qu'après la période des fêtes, c'est là que ça commence, là. Vraiment plus. Ben, dans les circonstances, 2006, c'est très bon dans le début de saison que l'on connaît dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Si on prend ça globalement, les foules sont anémiques dans 16 des 18 marchés. C'est en baisse dans la LHGMQ cette année. Québec, c'est particulier. On a coupé de moitié à peu près les assistances de l'an passé. Ça fait toute une différence, je dirais, dans les statistiques depuis le début de la saison. Ici, à Chicoutimi, bon, on le sait que c'est difficile depuis quelques années. De prétendre que d'avoir 4000 pour avoir une ville de hockey, c'est nécessaire. Je pense que c'est un peu fort de nos amis de Radio X, mais ça, bon, on connaît bien leur façon de travailler. J'ai été là pendant quelques années, d'ailleurs. Je les connais bien. Il y avait quand même samedi presque 16-5 ici, un peu moins du côté des Marquis de Jonquière. Ça fait quand même un 3200 spectateurs de hockey qui se sont déplacés dans la région pour voir du hockey de qualité dans les deux matchs. Si on est satisfait de 2006, pas du tout, parce qu'on en veut toujours plus. Mais bon, dans les circonstances, on comprend pourquoi on a 2600, puis on remercie les gens du Lac-Saint-Jean de s'être déplacés pour venir voir la super vedette dans la LHGMQ, Samuel Girard. Puis je vois des journalistes à travers la Ligue commencer à pointer Samuel Girard comme une attraction dans la Ligue, et effectivement, il est très bon. Malheureusement, quand il vient au Centre Georges Vézina, c'est un peu plus difficile. Les Sacs vous réservent toujours une attention particulière sur la glace, et ça fonctionne particulièrement bien, entre autres avec un autre du Lac, c'est Louis-Philippe Simard, qui était pas mal chargé de le contrer en défensive tout au long du match là, vendredi dernier, puis il l'a très bien fait, le jeune homme de Mastuyach versus le jeune homme de Robert Val, Samuel Girard. Mais déplacez-vous dans tous les arénas de la LHGMQ pour le voir, il est très bon, il est spectaculaire, il se défonce à chaque présence sur la glace, c'est tout un joueur de hockey. Hey, d'ailleurs, je pense qu'il y a une émission toutes les semaines à TVA Sport, c'est à 6h30, le magazine de la Ligue Junior du Québec, et ce soir, il y aura un reportage, d'ailleurs, sur Sam Girard. Et avec raison, je le dis, c'est une attraction dans la LHGMQ. Faut vendre le hockey de cette façon-là. Faut vendre les Sam Girard, les Nicolas Roy, les Xavier Potvin, qui sont rendus dans les 5-6 meilleurs gardiens de la Ligue cette année. Très bien par le chaton présentement. Tu sais, les bons joueurs, les Fred Allard, les Dimitri Zoukenov, les autres joueurs des autres équipes de la Ligue, les joueurs de Québec, les joueurs de Bécomo, les joueurs de Rimouski, les maîtres en vedette, les super vedettes. la LHJMQ, mais Sam Girard en est un particulier présent. Julio, tu parles de Xavier Beauvais. Julio Billiac, on sait beaucoup sur lui. Est-ce que est-ce qu'on a des nouvelles? Quand est-ce qu'il va revenir? Aucune idée. Il est toujours en train de se faire diagnostiquer par les spécialistes. Là, on cherche les bobos dans le cas de Julio Billiac. Il est blessé au bas du corps depuis le début de la saison. On essaie de comprendre sa blessure, savoir essayer d'établir un échéancier. Il a rencontré un spécialiste à Montréal, lui a fait passer une résonance magnétique. On attend les résultats de ce côté-là avant de poser un diagnostic clair du côté des spécialistes. Mais on va à Montréal, on va au privé, les Sags là, qui dépensent sans compter, je dirais, pour essayer de remettre sur pied Julio Billiac, qui est un des meilleurs, sinon le meilleur gardien de but de la LHJMQ présentement. Ce serait une ressource très importante dans l'alignement des Sags, mais bon, il y a des choses qui l'empêche de revenir sur la glace. Là, sa blessure au bas du corps le tient hors de l'entraînement et de la misère à revenir sur la glace présentement. Donc, ça s'étire, mais présentement, ce qui est le fun, c'est que Xavier Potvin fait les gros arrêts, fait le travail. Ça, c'est très de bon augure là, dans le cas de l'absence de Julio Billiac, qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour son retour au jeu. Là, c'est sûr que Billiac, ça devient problématique en sachant pas quand est-ce qu'il revient. Puis c'est le meilleur gardien de but de la Ligue. Dépendant de la saison, est-ce que si jamais, mettons que Billiac revient en décembre, puis qu'il montre qu'il est bon, est-ce que ça pourrait forcer, puis il y a 20 ans, est-ce que ça pourrait forcer Yannick Jarre à faire une transaction dans son cas? Qu'est-ce que tu veux dire? Vendre ou d'autres joueurs? Oui, exactement. Quand tu vois que Xavier Potvin fait le job, il est très bon. Billiac, c'est sa dernière année. Peut-être que ça pourrait pousser l'état-major des Sags à faire un échange, mais dans le cas où Julio Billiac est blessé depuis le début de la saison, sa valeur marchande, je dirais, sur le marché des transactions est peut-être pas à point. Ça vaut peut-être pas la peine de l'échanger. Non, mais. Bon, on sait pas ce qui peut arriver dans le cas des Sags. Je suis pas au courant de ce dossier-là. Hey, je veux te parler on a parlé des assistances des Saguenayens. J'écoute beaucoup la radio à Québec. Dominique Morin et toute l'équipe de Radio X ont parlé des remparts. C'est vraiment décevant ce qui se passe avec les remparts. Et on disait que le centre Vidéotron a tué les remparts, parce que les remparts, c'était familial, c'était pris pas cher, les hot dogs pas chers. Ça coûte pas plus cher aller au centre Vidéotron présentement pour les remparts, puis même je pense que pour les familles, ça a baissé les prix. Honnêtement, il faudrait vérifier de ce côté-là, mais je comprends leur point. Présentement, à Québec, il y a une chasse. Tout ce qui est contre la dépense de fonds publics. Puis bon, je pense que le centre Vidéotron, avec les noms nordiques, commence à peser lourd, je dirais, sur les contribuables de la Ville de Québec. Puis les meilleurs défenseurs pour ça, ben c'est les gens de la radio, dans la capitale. Mais effectivement, pas le centre Vidéotron a tué les remparts de Québec, mais je dirais que l'évolution puis les performances des dernières années, cette année, les remparts sont en reconstruction. Ont eu une bonne fin de semaine la fin de semaine dernière. Ça pourrait ramener un peu de monde dans le centre Vidéotron. Mais il n'y a personne qui pense que les remparts vont aller chercher la finale de la Coupe du Président cette année ou même se présenter très longuement en série à la fin de la saison. C'est une équipe jeune, c'est une équipe en reconstruction. On magasiné sur la carte de crédit pendant plusieurs années. Puis, sont de retour dans la cave et, on va s'en sortir dans les prochaines saisons, ça c'est sûr. Mais c'est une année de transition. Puis, on s'attend à des foules faibles du côté du centre Vidéotron cette année. Mais je pense pas que ce soit la faute du centre Vidéotron, des foules. C'est difficile à travers 16 des 18 marchés. Honnêtement, je pense que Shawinigan est un marché dans les Maritimes où il y a eu des augmentations par rapport à la saison dernière. Mais pour le reste, c'est en baisse. À Halifax, les foules sont en baisse malgré eux autres aussi sont en construction, mais ils ont des super vedettes dans leurs équipes. Partout dans les Maritimes, c'est en baisse. Dans les marchés du Québec, tu sais, à Gatineau, ils ont 1600, 1700, 1800 personnes par match. C'est très difficile depuis le début de la saison. À Rouen, on annonce 2100 à peu près à chaque match. C'est les billets qui sont vendus, mais il n'y a pas ça dans les estrades du côté de Rouyn-Noranda, malgré qu'ils ont remporté le championnat l'année passée, qu'ils ont encore une équipe très performante cette année. Les débuts de saison sont difficiles. Danny, ça devient de plus en plus difficile, je te dirais, de fidéliser quelqu'un pour 34 matchs de hockey junior tout au long de la saison. Les semaines chargées, la vie de famille. Beaucoup de matchs à la télévision. L'économie, beaucoup de matchs à la télévision aussi. Oui, on en a parlé la semaine dernière. L'omniprésence des matchs de la Ligue nationale de hockey à la télé, puis l'ajout du produit de hockey junior aussi. Je veux pas détruire le contrat de télévision de TVA Sports, Sportsnet avec la LHJMQ. Je pense que ça a du positif beaucoup plus que du négatif. Mais l'omniprésence du hockey à la télévision fait que les gens, ont ça à la maison sur 50 pouces, peuvent manger leur sac de chips chips puis boire leur liqueur en regardant ça. Puis je le fais moi-même aussi quand j'ai des soirées de congé en passant. Le web aussi. Oui, le web aussi. Tous les matchs sont disponibles sur le web maintenant. Dans pas long, ça va être disponible sur Twitter. C'est l'omniprésence, la facilité d'aller chercher le produit du hockey. Donc, c'est pour ça qu'il faut se démarquer. Il faut attendre les bonnes performances du club. Il faut offrir un produit de qualité. Il faut travailler sur l'animation aussi à l'intérieur de l'amphithéâtre, les promotions diverses et tout ça. On se bat contre plusieurs trucs maintenant dans le monde du hockey. T'sais, les sacs, il y a les marquis aussi qui sont dans le marché. La télévision, il y a d'autres sports aussi. Les gens ont d'autres aptitudes. T'sais, pendant les dernières années, il y a eu des performances qui ont peut-être repoussé certains partisans des sacs à la maison, puis qui attendent juste que les performances reviennent avant de revenir. Donc, on va voir au futur, mais pour l'instant, ben, c'est ça qui est ça avec la LHJMQ, 16 des 18 marchés à peu près qui sont en baisse. À les remparts, bon, les statistiques à la fin de la saison, ça va être très difficile. J'imagine qu'ils trouvent que ça coûte cher, par contre, d'ouvrir les lumières au centre Vidéotron quand t'as juste 6 ou 7 000 personnes pour aller voir un match de hockey junior. Effectivement. Et la présence de Patrick aussi à Québec, là. C'est pas négligeable non plus. Patrick a amené un 2. Sans dénigrer Philippe Boucher, il y a un peu moins de charisme derrière le banc, là. Patrick Roy était plus grand que nature, plus grand que son sport. Possiblement un des 3-4 meilleurs gardiens de but de l'histoire de la Ligue nationale. Ça vendait des billets, donnait un bon spectacle derrière le banc. Maintenant, bon, on est dans un autre ère du côté de Québec. C'est les joueurs qui vendaient dans les dernières années. Cette année, c'est un peu plus difficile de ce côté-là. Sébastien, un gros merci, on s'en reparle lundi prochain. Toujours un plaisir, bye. C'est la chronique des Saguenay avec Sébastien Morin.